dans un repli de souvenirs. J'avais planté un rêve noir, et dans l'ombre de ton sourire se cache la peur de tout détruire. Si tu savais comme j'ai peur de trouver l'amour ailleurs, dire je t'aime à quelqu'un d'autre sans trouver à qui la faute. Si on reculait loin derrière, repenser nos vieilles blessures, garder le sourire fier. J'aime bien pouvoir comprendre un cœur qui perd tout son sens. J'essaie de lire entre les lignes pour voir s'il reste quelque chose à vivre. À quoi bon te retenir si je peux au moins garder le passé en souvenir, mais j'ai quand même peur de trouver.